Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. N'aie pas peur à cause de ton âge. Tu dis, mon âge est avancé. Écoute-moi bien, ton âge n'empêchera pas Dieu d'accomplir ce qu'il a promis. Il est le Dieu fidèle. Même lorsque tu dépasses 40 ans, il est capable de te donner un mari. Il est capable de te donner des enfants. Commence à te lever là où tu es. Invoque le nom du Seigneur. Il est le Dieu fidèle. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 34, 1 à 11. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons notre passage du jour, psaume 34, 1 à 11. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé à présent d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que le malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Il y a deux vérités que je voudrais partager avec vous à partir de ce psaume 34, 1 à 11. Voici la première vérité. Apprenons à bénir l'Éternel dans toutes les circonstances. Ce n'est pas seulement quand ça va que tu dois louer le Seigneur. Quand David dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps », c'est-à-dire quelles que soient les circonstances, même quand ça ne va pas, je dois le bénir. Même quand je connais la déception, je dois le bénir. Même quand je ne suis pas admis à un concours, à un examen, ça fait mal, mais je dois apprendre à bénir l'Éternel. Il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je vais parler à quelqu'un qui m'entend. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Il n'est pas normal que quand ça ne va pas, tu commences à murmurer, tu commences à maudire Dieu, tu commences à dire du mal des autres, tu murmures. Tu dois apprendre à bénir le Seigneur. David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Il ne faut pas que des insanités sortent de ta bouche. Il ne faut pas que des critiques, des injures sortent de ta bouche. Le verset 1 de ce psaume nous permet donc de comprendre les circonstances dans lesquelles David a composé ce psaume. Il a été chassé par le roi Abimélec lorsqu'il fuyait Saül qui voulait le tuer. Il s'est fait enrôler dans l'armée des Philistins. Malheureusement, il fut reconnu comme celui qui avait tué les Philistins Goliath. Il fut même contraint de jouer le fou. C'est pour cette raison que le roi Abimélec ordonna qu'on les renvoie. Vous trouvez l'histoire dans 2 Samuel 21, 10 à 15. Donc, David a connu des moments sombres, les plus sombres de sa vie. D'une part, il était poursuivi par le roi Saül. D'autre part, il était rejeté par les Philistins auprès desquels il est allé chercher refuge. Malgré cela, il a composé ce psaume et il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Je veux parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Le Seigneur t'a appelé au ministère. Homme de Dieu, tu es en train de traverser des moments difficiles. Ta femme est en train de murmurer, ta femme est en train de regretter. Toi, tu es femme de pasteur, femme d'apôtre. Tu dis à ton mari pourquoi tu as quitté. Ton mari était cadre quelque départ. Mais il a dit qu'il a reçu l'appel. Maintenant qu'il sait le Seigneur, il voit que les dîmes et les offrandes ne suffisent pas. C'est vrai, quand Dieu appelle quelqu'un, il peut passer par des moments difficiles. Mais tu dois apprendre à bénir le Seigneur. Si c'est lui qui vous a appelé, vous êtes en train de traverser un moment transitoire. Tenez bon. David passait des moments d'incertitude. Malgré cela, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Nous pouvons nous rappeler de l'exemple de Paul et Silas, des hommes de Dieu qui furent jetés en prison injustement en plein ministère. Ils ont décidé de louer l'Éternel. La Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, ils louaient et chantaient des cantiques. Quelqu'un qui se trouve en prison, au lieu de murmurer, au lieu de se lamenter, au lieu de maudire son Dieu, ils ont choisi de bénir le Seigneur, de le louer, même dans la prison. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as été injustement incarcéré. Tu te poses la question, où est Dieu? Ce Dieu-là, c'est un Dieu de justice. Malgré les injustices que tu subis sur les plans socio-professionnels, la Bible dit qu'il y a un Dieu juste. Il s'appelle Yahweh Tchikenou. La justice et l'équité sont la base de son trône. Paul et Silas étaient jetés injustement en prison, mais ils ont loué le Seigneur vers le milieu de la nuit. Et la Bible nous dit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Il y a une puissance dans la louange qui est capable de briser les chaînes, qui est capable de te libérer. Suivons donc l'exemple de David et de Paul et de Silas en louant l'Éternel, quel que soit les circonstances que nous traversons. Notre louange peut fortifier celui qui vit des moments difficiles. C'est pourquoi David dit au verset 3 que les malheureux écoutent et se réjouissent. Donc, l'un des bienfaits de la louange, c'est quoi? Non seulement la louange touche le cœur de Dieu et libère la puissance divine, mais la louange incite les autres qui vivent des moments difficiles à célébrer le Seigneur. Tu te rends compte, par exemple, toi qui viens de perdre un être cher, et puis les gens viennent, ils te trouvent en train de louer le Seigneur. Ils te trouvent en train de dire merci au Seigneur. Mais ils sont interpellés. Ils disent, mais si lui, malgré ce qu'il vit comme situation, il se met à louer le Seigneur, qu'en est-il de nous? Vous voyez, il dit que le malheureux écoute et se réjouisse. Lorsque un malheureux, quelqu'un qui vit des moments difficiles, entend ta louange, cela va le pousser à se confier en l'Éternel, à placer sa confiance en lui. Deuxième vérité, cherchons l'Éternel dans la prière et il nous délivrera de nos difficultés. Vous voyez, ici David dit au verset 5, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand nous cherchons Dieu dans la prière, quand tu les cherches sincèrement dans la prière, parfois ça peut nécessiter même le jeûne. Il va te répondre. Qui cherches-tu? Auprès de qui cherches-tu refuge, mon ami? Lorsque tu as des difficultés, souvent ce que les gens font, c'est quoi? Quand tu as un problème d'argent, directement tu commences à regarder dans ton carnet d'adresse qui je vais appeler, qui va me donner autant d'euros, autant de... Non, il faut d'abord, les chrétiens là, la première personne vers laquelle ils se tournent, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. David dit, j'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui écoute la prière. Non seulement qu'il répond, mais il dit, il nous délivre. C'est le Dieu de délivrance. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il y a des moments où nous devons savoir reconnaître nos frayeurs. Je vais parler à quelqu'un. Tu as peur de la mort. Tu ne sais pas dormir seul. Je vais dire à quelqu'un, tu as peur. Tu as l'incertitude concernant ton avenir, concernant l'avenir de tes enfants. Il y a des craintes. Tu peux venir au Seigneur pour dire, voici mes craintes. Il va te délivrer de toutes tes frayeurs. David avait des frayeurs parce que il fuyait les rois Saül. Il y avait aussi les Philistins qui l'ont rabroué, qui l'ont rejeté. Il s'est vu abandonné. Il avait peur. Mais Dieu l'a délivré de toutes ses frayeurs. David énumère 4 bénéfices de la prière adressée à l'Éternel. Quand nous prions, nous cherchons Dieu, il fait 4 choses. Premièrement, il nous répond. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Deuxièmement, il dit, il nous délivre de nos frayeurs. Quatrièmement, notre visage rayonnera de joie et nous ne serons plus dans la honte. Il dit, quand on tourne vers lui les regards, le visage est rayonnant de joie. Je vais dire à quelqu'un, quand tu tournes tes regards vers tes problèmes, tu regardes des problèmes, dans ma famille ça ne va pas, moi je suis célibataire, vraiment, moi je ne travaille pas, mes parents ont tel problème, dans ma famille il n'y a personne qui travaille, tu t'apitoie. Lorsque tu ne fais que contempler tes problèmes, tu ne seras pas rayonnant de joie. Tu seras rempli de frustration. Mais David a compris. Au lieu de tourner ses regards vers ce problème, il tourne les regards vers Dieu dans la prière et dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Parce que quand tu tournes les regards vers Dieu, ce que tu vas voir, c'est quoi? Tu vas contempler sa grandeur. Tu vas contempler son amour. Tu vas contempler sa grâce. Tu vas contempler sa fidélité. Et quand tu vois ce tableau, sa bonté, tu seras rayonnant de joie. Quatrième effet positif de la prière, il nous sauve de toutes nos détresses. Il dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Dans un autre psaume, il va dire, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Les détresses. La détresse, c'est quoi? La détresse, ça peut être un problème de santé. Tu es alité, tu es à l'hôpital, tu as des factures impayées, tu vis des moments de détresse. La détresse, ça peut être quoi? Ça peut être ton foyer ne va pas, ça ne va pas. Ta femme t'a quitté, ou bien ton mari a quitté le toit conjugal et tu as appris que ton mari sort avec une autre femme, il vit avec une autre femme. Depuis que tu as entendu cela, ton cœur est attristé. Tu vis dans l'angoisse, tu vis dans la détresse. Fais comme David. Il dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Il est capable de te sauver de ta détresse. Adresse-lui ta prière. Il est là, capable de te délivrer. C'est pourquoi nous allons le louer. Nous allons le célébrer. Chantons pour lui ces cantiques. Mo santo masiae o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama mo santo masiae o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama ozali lizi bana bomoi o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama ozali mo santo masiae o kumama libela nzambe na bomoi masia. Ozali libanga na bomoi, doyemeli yo libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mo santo masia e, oh kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ambisi ya mai bakochola, bakokumisa yo nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mo santo masia e, oh kumama libela. Andeke likolo bako pepa, bako sanjola yo ozali nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mo santo masia e, oh kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mo santo papa e, doyemeli yo libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mo santo masia e. Kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Kumama kumama kononanga kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Kumama kumama kono Yesu kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Kumama kumama yaya na biso kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Haleluya. Kumama leloyo kumama amena bomo kumama leloyo kumama amena nguya kumama leloyo kumama ibanga la bomo kumama leloyo kumama ibanga la toyo kumama leloyo kumama ayo yo kumama ayembele masiya nanga mayo yo kumama nanga masiya nanga mayo yo kumama nanga la masiya nanga toko yembe la ye, toko binde la ye, toko sangyo la ye, toko kumi sa ye. Amama to yembe la ye, amama to kumi sa ye, amama to sangyo la ye, ilenge bo yembe la ye, apapa to kumi sa ye. Uwele wale wa. Angela, Angela, Angela, Angela. Lelo yo kumama, lelo yo kumama, lelo yo kumama, lelo yo kumama, lelo yo kumama, lelo yo kumama, isi banabongo kumama, lelo yo kumama, ibanatayo kumama, lelo yo kumama, ayilelo kumama, lelo yo kumama, lelo yo kumama, lelo yo Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Il est le Dieu des délivrances. Il n'a pas changé. Élevons tous ensemble nos voix. Commencez à lui dire merci là où vous êtes. Dites-lui merci. Bénis son Saint-Nom. Amen. Nous sommes à notre émission de prière que nous appelons OSB, acronyme qui veut dire tout simplement Opération sur la brèche, OSB. Si c'est pour vous la toute première fois, sachez que cette émission est produite à partir d'Abidjan sur la Radio Nationale des Églises Protestantes Évangéliques que nous appelons Radio Fréquence Vie. Et vous avez au microphone votre serviteur, le révérend Dieudonné Ngoumbi. Si cette émission vous fait du bien, nous serions intéressés d'entendre ton témoignage. Comment cette émission a fortifié ta foi? Comment le Seigneur t'a visité? Et nous vous encourageons de partager aussi par les médias sociaux, plus particulièrement par WhatsApp avec des amis. Si vous recevez OSB par WhatsApp, partagez avec le plus grand nombre de personnes possibles afin qu'eux aussi puissent bénéficier de ces rafraîchissements chaque jour et particulièrement le matin. Nous prions aujourd'hui selon le psaume 34, 1 à 11. Voici quelques sujets de prière que je vous donne. Que chacun bénisse le Seigneur malgré les circonstances qu'il vit. Malgré les difficultés, tu vas dire, Seigneur, je t'ai béni. Je t'ai béni pour tel problème. Je t'ai béni pour tel problème. Parce que David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Élève ta voix, ouvre ta bouche et bénis le Seigneur. Louange à toi, notre Dieu, notre Père, parce qu'en toi, nous avons, notre Seigneur, la vie. Nous avons, tu es la cause première de toutes choses. Tu es le commencement, tu es l'origine, tu es la fin de toutes choses. David pouvait dire dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. À travers ce sujet, c'est de te dire merci. pour la vie, pour la respiration, pour la santé, pour le travail, pour le foyer, pour tout ce que tu fais pour moi. Je me joins aux anges, je me joins à la nature, je me joins à tout ce qui est visible comme invisible, pour reconnaître que tu fais des choses dans notre vie au-delà de notre entendement. Comment pouvons-nous vivre sans te dire merci? La mer nous donne un exemple de reconnaissance. Les oiseaux, tôt le matin, se réjouissent de la vie. Ils chantent, ils acclament notre Seigneur. La nature également se joint à tout ce que tu as créé. Nous, humains, que tu as créé à ton image. Non seulement tu nous as créé à ton image, nous sommes ta créature. Nous sommes tes enfants que tu as rachetés. Et parmi tes enfants, tu as fait aussi des élus qui sont des ministres qui vont te servir, qui sont des diacres, qui sont ceux-là à qui tu as confié des ministères, des talents et des dons. Que la gloire te revienne. Merci pour tout. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur nous délivre de nos frayeurs. Peut-être que tu sens en toi la peur de l'avenir, la peur de la mort, la peur de l'échec. Tu vis toutes sortes de phobies. Tu vas prier pour dire, Seigneur, délivre-moi de mes frayeurs. David dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce et nous t'exaltons pour cette merveilleuse journée que tu nous fais voir. C'est de ta part encore des merveilles sans fin, des grâces infinies, des bénédictions de tout genre que nous sommes en train de récolter en cette journée. Parce que nous voyons, nous marchons, nous parlons, nous regardons autour de nous et nous examinons tout ce que tu nous as donné qui sont intacts. C'est-à-dire, tu n'as pas permis que le méchant nous visite. Spirituellement, tu as combattu pour nous et tu nous as donné la victoire. Nous t'exaltons, ô Dieu. Comment ne pas te louer? Toi qui es un si grand Dieu. Mais voilà que l'ennemi toujours cherche à nous diviser, tromper, cherche à nous tuer, cherche à dévorer tout ce que tu nous as donné. Et beaucoup parmi nous ont la phobie du diable. Beaucoup ont peur. Beaucoup sont menacés, beaucoup s'interrogent, mais nous, nous croyons à un Dieu puissant qui nous garde et qui nous protège. À toutes ces personnes qui ont leur phobie, à toutes ces personnes qui s'interrogent, nous voulons qu'elles acceptent Christ. Nous voulons qu'elles placent leur foi en Christ, car Christ seul peut nous délivrer, peut nous guérir. Jésus-Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Merci Seigneur pour ton sang qui est un bouclier. Merci pour ta parole qui est une force. Merci Seigneur notre Dieu pour la confiance que nous avons en toi. Béni sois-tu parce que avec toi, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi quand on tourne vers lui les regards, les visages est rayonnant de joie. Les visages ne se couvrent point de honte. Nous allons prier le Seigneur. Peut-être que ces derniers temps, tu es angoissé, tu vis dans l'angoisse, tu vis dans la tristesse parce que tu es entouré de plusieurs problèmes à la fois. Ces problèmes t'écrasent. Tu vas prier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je tourne mes regards vers toi. Je veux que mon visage rayonne de joie. Je vais compter sur toi. Je vais espérer en toi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, notre Sauveur, notre Libérateur. Nous avons la joie d'avoir un Père qui nous aime, un Père qui nous défend. Gloire à toi parce que tu es la source de notre joie. Tu es la source, notre Dieu, de notre paix, de notre amour. Tu es la source de notre courage, de notre persévérance. Tu es la source de notre vie. Qui peut nous donner la joie? Si ce n'est toi à travers ton esprit, gloire à toi ce matin, parce que quand nous sommes dans les difficultés, dans les peines, dans les soucis, environnés de beaucoup de choses où nous sommes prêts à abandonner, mais tu nous souffles, notre Dieu, ta paix, tu nous souffles ta joie, tu nous souffles le courage, la persévérance, et nous avons la foi de toujours continuer. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, à qui irons-nous si ce n'est vers toi qui a les paroles de la vie éternelle? Ni notre père, ni notre mère, ni notre épouse et notre époux ne peut nous donner cette joie qui dure. Parce que toi, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour pouvoir te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. C'est pourquoi nous pouvons toujours compter sur toi. Quand tout le monde nous abandonne, quand il y a des pleurs partout, malgré les difficultés, la joie est là, la paix est là. Merci Père pour ta fidélité à notre égard. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons.